Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 46. Bel a été rompu, Nabô a été brisé. Leurs simulacres ont été mis sur des bêtes et sur des animaux de service. Ces fardeaux que vous portiez allaient par leur grand poids jusqu'à vous lasser. Ils ont péri et ont été brisés tous ensemble. Ils n'ont pu sauver celui qui les portait, et ils iront eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, qui êtes portés dans mon sein, qui êtes renfermés dans mes entrailles. Moi-même, je vous porterai jusqu'à la vieillesse, jusqu'aux cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait, et c'est moi qui vous soutiendrai, c'est moi qui vous porterai et vous sauverai. À qui m'avez-vous assimilé, égalé, comparé et rendu semblable? Vous qui tirez de l'or de la bourse et posez de l'argent dans la balance, louant un orfèvre afin qu'il fasse un dieu, et en se prosterne et en adore. Il le charge sur les épaules pour le porter et pour le placer en son lieu. Il y demeurera et ne sera pas ôté de son lieu. Mais lorsqu'on criera vers lui, il n'entendra pas. De la tribulation, il ne les sauvera pas. Souvenez-vous de cela et soyez confondus. Rentrez dans votre cœur, prévaricateur. Rappelez-vous le siècle passé. Parce que moi je suis Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, et qu'il n'y a pas semblable à moi, annonçant dès l'origine la fin des temps, et dès le commencement les choses qui ne sont pas encore faites, disant « Ma résolution est inébranlable, et toute ma volonté s'exécutera. J'appelle de l'Orient un oiseau, et d'une terre lointaine l'homme de ma volonté. Et je l'ai dit, et je l'accomplirai. J'ai formé ce dessein, et je l'exécuterai. Écoutez-moi, vous, au cœur dur, qui êtes éloignés de la justice. J'ai rapproché le temps de ma justice. Il ne sera pas différé, et mon salut ne tardera pas. J'établirai dans Sion le salut, et dans Israël ma gloire. » Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.